kaka okoko korobu pesa biso nguya to bare bazemezeme na bantu sa esprit to renye lokola yo na likolo biso bayanfe na se amen. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Babouka qui ligale, ya kalouji, na ya comme. Papla il fallait na tele manango nandule wana mila mirapala master batindi kaye petita bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache ba miyake ba yama moto influence a coup d'ailleurs. Naba plato ngai furume moto ba mwela kaba mambila mbila wakafwa nandenga kolote mululu ngonda de pas kondinga le gentleman petita lobinanga na ebi move mate Nana Lelie, El Dolce Vita, Irare Romano Mestre, Likambo Bakoti Sakiye, Mpo Alandela, Nasi Mama Watro, Mwana Koutwe Bimakie, Carte sur table, Ko négocier, Chobize Simba Monde, Vivra Vera. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Qui est pas loup que baby sakamoto, ya ya. Pona loco trop, tolo baki moto aye bate, awele mpifo, c'est pour na Ferrari, na caviar, contre signaki pona liwa. Na bana Firenze, kozala toujours na top. Ponan koma, likambweza la kinzoka pona miso ya betie. Mwana komora, likambweza la kinzoka pona tayo ya marosa. Mère Franchienne, nandenge nango, wolwe bonga na kingo, mera bonga na pere. Koma kibiso namboka nipone Ronta o pambapa Ye koma kibiso namboka nazie Porsche benzo lambula Kinshasa bashege barome Nikili bazulu banyu jake Kao koko korobo Teki sape lilika Les ondi font double mabe Kamozo na kingwe bende Acaba.